ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. متفق عليه. فالعاقل لا يصاحب الأشرار، لأن صحبة صاحب السوء قطعة من النار والعياذ بالله. عباد الله، إن من أعظم ما نراه من أسباب انحراف المسلمين والشباب خصوصا اتخاذهم القدوة السيئة في أفكارهم واعتقادهم، وهذا من أخطر الأنواع من الاقتداء، فتأثروا بهم في عقائد إلحادية أو آراء شركية، وهونوا من توحيد الله، ونفوا صفات الله، وأضعفوا باب البراء من الكفار ومن دينهم، وتهوين الخلاف معهم، وهذا ما يريده الكفار من المسلمين وشبابهم. يقول تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وإنك لتعجب من بعض شباب المسلمين حين تراه يتخذ الكفار قدوته في لباسه وهيئته وقصة شعره وكلامه وعاداته، فيصبح الشاب المسلم يرى التقدم والرقي في سير على عادات الكفار السيئة، بل يصبح مولعا بتتبع أخبارهم وبمتابعتهم في برامجهم، ويقلدهم في فسقهم، حتى يصل الأمر بالشاب بتقليدهم في خستهم وفجورهم، فيصبح بلا غيرة ولا رجولة حتى على أهله. عباد الله، ومن القدوة السيئة الاقتداء بأهل البدع والأهواء وترك علماء السنة أهل المحجة البيضاء، فتجده يأخذ عقيدته ومنهجه منهم ويسير على دربهم في انحرافهم. فكم لعب أئمة الضلال والبدع في عقول وعاطفة كثير من الشباب، فجعلوهم قنابل متفجرة وأضمغة مليئة بالأفكار الفوضوية ضد أوطانهم وبلادهم، يكفرونهم ويفجرونهم ويخرجون على ولاتهم. فمن اتخذ أهل البدع قدوة جروا إلى سبل الشيطان وأوقعوه في الفجور والبهتان. قال أبو قلابة: قال: لا تجالسوا أصحاب الأهواء، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. عباد الله، إن من بلايا العصر وأشدها تأثيرا على شباب المسلم اتخاذهم بعض المشاهير في وسائل التواصل وبرامج الهواتف قدوة، ممن يكون همه نشر الرذيلة وإسقاط الفضيلة، فيجلس الشاب أو الطفل الساعات الطويلة وهو يتابعه في يومياته وأحواله ونومه واستيقاظه، ويتأثر به أشد التأثير، وذلك كله في غيبة الأبوين وإهمالهما، فما ينتبهون إلا وأولادهم وبناتهم في هوة الرذيلة ومستنقع الأفكار العفنة، وكأنه نسخة أخرى من هؤلاء المشاهير الذين اتخذوهم قدوة. فليتق الله هؤلاء المشاهير، وليكونوا دعاة خير، ولا يرضوا بنشر الشر فيأخذون إثمهم وإثم من تابعهم. وليتق الله من يتابعهم من الشباب والآباء، فلا تعطوهم أكبر من قيمتهم، وتابعوا من يفيدكم في دينكم ودنياكم، وليتق الله أولياء الأمور فيرشدون أبناءهم إلى القدوة الحسنة والصحبة الصالحة التي تهديهم إلى الخير وترشدهم إلى الهدي إلى الهدى والنور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Serviteur d'Allah, préservez-vous d'Allah, et sachez que parmi les plus grandes causes d'égarement et de déviation, il y a le fait de prendre comme exemple les gens de l'égarement, les gens du mal, qui amènent les gens avec eux dans leur égarement et dans leur déviation. Donc les gens de la mécréance, du kufr, ils amènent avec eux les gens dans leur kufr. Et les gens de bid'a, ils amènent avec eux les gens dans leur bid'a. Et les gens du péché, de la désobéissance, ils amènent et ils tirent les gens avec eux vers leur désobéissance. Et lorsqu'on réfléchit et on analyse et on médite sur l'essence de ce que Allah Azza wa Jal a mentionné dans le Coran à propos des peuples qui nous ont précédés, eh bien on remarque qu'ils ont tous souvent pris des mauvaises personnes comme exemple. Et que ça a été une des plus grandes causes dans leur propre déviation. Et même qu'ils ont considéré ça même parfois comme étant un argument en leur faveur dans l'égarement qu'ils sont pour essayer de se justifier. Et on regarde par exemple dans certains versets dans lesquels Allah Azza wa Jal, il dit ce qui signifie: et c'est ainsi que nous n'avons envoyé avant toi dans une cité un avertisseur, excepté que les extravagants parmi eux disaient alors à ces messagers et à ces avertisseurs: nous avons trouvé nos parents sur une voie, sur une religion, eh bien on a suivi leur exemple, on a suivi leur modèle. Comme si le fait de suivre nos parents c'était une garantie de guidance. Parce que on pense que puisqu'ils étaient sur une religion, eh bien nous on doit être aussi sur la même religion qu'eux. Même si leur religion est en contradiction avec ce que Allah Azza wa Jal a révélé dans le Coran et en contradiction avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné dans la sunna. Alors si on place le fait de suivre nos ancêtres et nos parents comme une référence dans la religion au-dessus de la référence de la révélation d'Allah Azza wa Jal, eh bien ça c'est une porte ouverte vers l'égarement total. Et ce ne sera pas une justification pour quelqu'un d'entre nous de se sauver du châtiment d'Allah au jour de la résurrection. Combien de musulmans, lorsque tu lui dis: mon frère, pourquoi tu fais ça? Ou pourquoi tu as cette croyance? Ou pourquoi tu as cette pratique? Il dit: mais c'est comme ça qu'on fait chez nous. C'est comme ça que nos ancêtres ont fait. C'est comme ça que mes grands-parents faisaient. Mais ça, c'est pas une référence. Même les mouchriquines à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il appelait les mouchriquines à l'islam, eux, ils disaient: nous, on suit nos ancêtres. Et Allah Azza wa Jal, il les réfute dans plusieurs versets en disant: même si vos ancêtres, ils ne comprenaient rien et ils ne réfléchissaient pas, ils n'avaient pas de raison et ils contredisaient la révélation qui vient d'Allah. Donc ça, c'est un exemple parmi les exemples qui font en sorte que le musulman, il doit prendre ses gardes vis-à-vis de suivre aveuglément des gens ou de les prendre comme exemple alors que ce sont des mauvais exemples. Et également, le musulman est averti de ne pas suivre les gens qui sont des mauvais exemples dans leurs péchés et de les suivre dans le mal qu'ils font, et même de ne pas être un mauvais exemple pour les autres. C'est-à-dire que tu dois faire attention de ne pas être une cause d'égarement pour les autres et de ne pas les appeler au péché et de ne pas être un mauvais exemple pour eux. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans un hadith authentique, comme c'est mentionné, que celui qui fait une belle action dans l'islam, il aura la récompense de cette action-là. Et non seulement il aura cette bonne action, cette récompense pour cette belle action, mais il aura aussi la récompense de tous ceux qui l'ont suivi dans cette belle action-là. C'est-à-dire que si tu fais du bien et tu montres aux autres du bien et qu'ils te prennent comme modèle dans le bien, eh bien tu auras ta récompense à toi et la récompense de tous ceux qui t'ont suivi dans le bien, sans que cela ne diminue rien de leur récompense. Mais le contraire est vrai également, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque fait une mauvaise action dans l'islam, il aura son péché, c'est-à-dire le poids de ce péché-là, et le poids de tous ceux qui l'ont suivi dans ce mauvaise action, sans que cela ne diminue rien de leur péché. Donc ça veut dire, fais attention à ce que tu fais devant les autres, devant tes enfants, devant ta famille, devant tes proches, devant les gens en général. Ils vont te voir faire quelque chose, et si ce que tu fais est en contradiction avec l'islam, si ce que tu fais est une innovation, si ce que tu fais est un péché, et qu'ils trouvent que cette chose-là est bien, et qu'ils te suivent dedans, eh bien tu auras apporté ton péché et leur péché aussi avec. Et également, parmi les grands dangers de prendre des mauvais exemples et de suivre des personnes dans l'égarement, eh bien, yani, tout ce qu'on a mentionné jusqu'à date, c'était pour nous faire comprendre et pour nous faire réaliser que si on veut éviter de tomber dans ce piège, de prendre les gens du mal comme exemple, il faut se référer à ceux qui sont le meilleur exemple pour nous. En commençant par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Azza wa Jal, il le dit dans le Coran: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Il y a certes pour vous, dans la personne du messager d'Allah, un bon modèle à suivre pour celui qui espère en Allah et au jour dernier et qui se rappelle beaucoup d'Allah. Ensuite, de suivre l'exemple des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, as-sahaba. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé de les suivre. Et ensuite, les élèves des sahaba, ceux qui ont étudié l'islam avec eux et qui ont appris l'islam d'eux. Et ceux qui les ont suivis par la suite, parmi les imams de la sunna et les imams de l'islam. Celui qui les suit, il est sur la guidance. Et celui qui s'éloigne de leur voie, il est sur la voie de l'égarement. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran ce qui signifie, dit: voici ma voix. J'invite, dit au Muhammad. Il s'adresse au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit au Muhammad, voici mon chemin, voici ma voix. J'appelle les hommes à Allah avec connaissance. Moi ainsi que ceux qui me suivent. C'est-à-dire que ceux qui suivent le messager, sallallahu alayhi wa sallam, ils suivent l'exemple du messager et ils appellent eux aussi les hommes à l'islam. Ils appellent les hommes à Allah Azza wa Jal. Et gloire à Allah Azza wa Jal, et je ne suis point du nombre des mushrikines. Donc leur voix, c'est, elle est présente, et si tu les suis, eh bien tu auras une bonne aqidah. Si tu les suis dans leurs paroles, tu auras une belle parole. Si tu les suis dans leur comportement, tu auras le meilleur comportement. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith d'Al-Urbad ibn Sariya, le hadith célèbre, il dit: accrochez-vous à ma sunna et la sunna de mes successeurs bien guidés après moi. Et c'est pour cette raison, de prendre leur modèle, de prendre leur exemple. Pourquoi? Parce que ce sont les meilleurs hommes après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et personne n'a compris l'islam mieux qu'eux, après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et leur religion, et leur compréhension, et leur pratique de l'islam, ils l'ont eu directement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous encourage de les suivre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi mentionné un exemple dans le fait de prendre des bons compagnons et de prendre des personnes du bien comme personnes qu'on fréquente, et de prendre comme amis des gens de bien. Et il a donné l'exemple de dire, en disant par exemple, que le bon compagnon et le mauvais compagnon eh bien, on peut le comparer à celui qui vend du parfum et celui qui, yani, souffle le verre. Donc, on voit l'exemple des deux personnes, celui qui est le bon compagnon et le mauvais. Celui qui vend du parfum, soit il va t'en donner, hein, il va te faire cadeau du parfum, soit tu vas acheter un peu de parfum de lui, ou bien soit que, même si tu n'achètes pas, ou si tu ne te donnes rien, mais au moins tu vas avoir un bel odeur. En sa présence, tu vas sentir un bel odeur. Tandis que celui qui souffle le verre, ou bien qui travaille avec le feu, soit il va te brûler tes vêtements, ou soit que tu vas trouver de lui une odeur déplaisante. Et donc ça, c'est l'exemple qui encourage le musulman à prendre comme compagnon celui qui est sur le bien, celui qui est sur le Coran et la Sunna, celui qui suit l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc tu ne vas pas prendre comme compagnon des gens du mal, des gens du kufr, des gens du shirk. Et malheureusement, beaucoup de jeunes et beaucoup de musulmans à notre époque, ils ont pris comme exemple et comme modèle les kuffars. Et ils les suivent dans leur façon de penser, ils les suivent dans leurs croyances, ils les suivent dans leur façon de vivre, ils les suivent dans leur façon d'agir, ils les suivent dans leur façon de faire le commerce, ils les suivent dans leur façon de marcher, hein, de s'habiller, et ainsi de suite. Et même parfois, ils adoptent d'eux des croyances d'athéisme, ou bien des formes de shirk, et ils dénigrent le tawhid et les attributs d'Allah, et ils dénigrent également le fait de se désavouer des kuffars et de leur religion. Et Allah Azza wa Jal, il nous dit dans le Coran, yani, les kuffars ne seront jamais satisfaits de vous, les juifs et les chrétiens, et les kuffars en général, ils ne seront jamais satisfaits de vous, les musulmans, tant que vous suivez pas leur religion, tant que vous suivez pas leur passion, ils ne seront jamais satisfaits. Mais Allah Azza wa Jal dit, mais si vous suivez leur passion après ce qui t'est venu de la science, alors tu n'auras contre Allah aucun protecteur et aucun secoureur. Personne ne pourra t'aider contre Allah. Même si toute l'humanité se met avec toi, contre Allah, tu peux rien faire. Alors ne suis pas leur passion et accroche-toi à la vérité et suis la vérité. Et tu vois, malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de jeunes musulmans, par exemple, ils suivent l'exemple des kuffars ou bien des gens de bid'a qu'ils trouvent sur Internet. Parce que aujourd'hui, tout le monde peut ouvrir une chaîne sur YouTube. Tout le monde peut ouvrir une chaîne sur Instagram. Tout le monde peut ouvrir une chaîne sur TikTok ou bien n'importe quel autre moyen de communication maintenant. Et il se met, en avant comme un exemple. Que ce soit des youtubeurs ou bien des influenceurs, il y en a parmi les arabes, il y en a parmi les anglophones, il y en a parmi les francophones, et il y en a dans tous les pays, dans toutes les langues. Malheureusement, parmi ces gens-là, il y en a qui sont des gens qui vivent dans l'égarement total. Et les gens s'est rendu maintenant, même les petits-enfants et les jeunes et les adolescents et même des adultes, parfois, ils les suivent sur leur chaîne. Et ces gens-là, ils appellent à toutes sortes d'égarements, et à toutes sortes de mensonges, et à toutes sortes de choses qui contredisent le Coran et la Sunna. Et les garçons et les filles, ils les suivent dans leurs conseils, dans leurs exemples, dans les choses qu'ils montrent aux gens. Et les gens sont là en train de les suivre par millions. Et parmi les musulmans, il y a des exemples de ça. Et les parents, parfois, ils ne surveillent même pas les chaînes auxquelles leurs enfants sont abonnés et qui, parmi ces influenceurs-là, ils suivent, qui appellent à toutes sortes d'idées de coffres. Et tu réalises pas que petit à petit, ton enfant, il commence à devenir la copie conforme de ces influenceurs-là. Hein? Mais le travail, ça se passe dans le cœur en premier. Et leur cœur commence à devenir de plus en plus corrompu. Mais toi, tu t'en aperçois pas à l'extérieur. Jusqu'à ce que ça commence à apparaître. Et là, il est trop tard maintenant. Parce que l'enfant, il est déjà noyé. Ou le jeune, il est déjà perdu. Hein, dans toutes ces idées-là. et dans toutes ces croyances-là. Donc réfléchissez à ça et faites attention à ces choses-là et préservez-vous aussi des gens que vous écoutez sur YouTube, même si c'est des gens qui appellent à l'islam ou qui parlent au nom de l'islam et qui ont une apparence islamique. C'est pas toute personne qui parle au nom de l'islam qui appelle nécessairement à l'islam réel, au Coran et à la Sunna. Combien d'entre les gens aujourd'hui, maintenant, ils appellent à des actes de terrorisme et ils tuent des innocents au nom de l'islam et ils se font passer pour des gens qui parlent au nom d'Allah et au nom du messager. Combien d'entre eux appellent à toutes sortes d'égarements et des choses qui contredisent le Coran et la Sunna et les gens, ils prennent d'eux comme si c'était normal. Et des gens qui appellent à toutes sortes d'idéologies et à des rébellions et à des révoltes et à prendre les armes contre les dirigeants dans les pays musulmans et à faire des manifestations et des coups d'État. Et ils disent ça, c'est au nom de l'islam. Donc si on commence à écouter n'importe qui, on s'égare. Il y en a d'autres qui écoutent des prêcheurs. Qu'est-ce qu'ils veulent entendre? C'est ça ce qu'ils leur disent. Qu'est-ce que les gens veulent entendre? Ils leur disent. Alors ils vont les satisfaire dans tous leurs désirs et leurs passions. Surtout les musulmans qui viennent s'installer ici dans les pays occidentaux. Ils veulent avoir la vie facile, ils veulent pas avoir de conflit intérieur par rapport à leur choix de vie. Alors ils cherchent des prêcheurs qui vont leur dire tout est halal, faites ce que vous voulez, vivez comme vous voulez, c'est pas grave, l'islam c'est l'amour. Faites qu'est-ce que vous voulez, ça devient comme le christianisme. Mais on l'appelle l'islam. Donc ça c'est dangereux et ça c'est grave. Donc l'islam c'est pas basé sur le fait de suivre ses passions. L'islam, ça veut dire la soumission. Et donc, c'est de se soumettre à Allah d'obéir à son messager. Donc, c'est ça qu'il faut se rappeler aussi. Et que d'être un musulman, c'est de lutter contre ses passions. Si tu luttes pas contre tes passions, tu vas t'égarer, ça c'est certain. Hein? Et Allah, dans le Coran, il met en garde contre Al-Ahwa, constamment. Hein? Prenez garde de pas suivre vos passions. Ne suivez pas leurs désirs, ne suivez pas leurs passions, parce que les passions, ça rend aveugle. Hein? Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم.